Amis golfeurs, votre marché Richelieu Flora la Chance de Saint-Prime vous invite à profiter de ses spécialités pour le grill afin d'agrémenter votre 19e trou. Dégustez nos 10 variétés de succulentes saucisses préparées en magasin pour vous. Régalez-vous aussi de nos exquises rosettes de saumon farci au fromage et aux crevettes. Ou encore, tous les vendredis, expérimentez nos réputées et savoureuses côtes de dos cuites sur place. Pour un après-golf réussi, pensez Marché Richelieu Florent Lachance de Saint-Prime, qui profite de l'occasion pour vous souhaiter une excellente saison. On va parler de golf avec notre ami Gilles Larouche. Salut Gilles! Bon matin! Gilles, Marchand avait des grosses primeurs, parce que je veux le faire parler une fois par mois, pour l'habituer un peu. Et il y avait des grosses primeurs, Gilles, à nous annoncer. Et là maintenant, tu peux nous en parler. Oui, la semaine dernière, on a rencontré, lors d'une soirée d'information, nos membres. Oui. Et on a procédé au changement de nom du club de golf. Okay. On va s'appeler dorénavant Club de golf Domaine Lac-Saint-Jean. Okay. On a fait les demandes, tout est parti. Une des grandes raisons de ça, c'est qu'on travaille actuellement avec la MRC Domaine du Roi pour avoir des subventions qui sont récurrentes. Alors, au lieu d'appeler ça Domaine du Roi, on voulait vraiment faire référence au golf. Domaine pour Domaine du Roi, mais également avec les constructions qu'on a actuellement sur la partie développement golf et tout le terrain de golf, le nouveau terrain de golf qu'on a. Alors, on a procédé au vote et la majorité ont voté pour cette appellation-là. OK. Donc, y avait-il d'autres possibilités? Y avait-il d'autres noms qui avaient été envisagés? Bien, on avait regardé pour le club de golf Royal Lac-Saint-Jean. Okay. Mais finalement, on a opté, les membres ont préféré y aller directement avec ce nom-là. OK, donc, il y a d'autres choses à mentionner peut-être également. Puisqu'il y avait plusieurs primeurs, ouais. Oui, puis ça faisait partie de l'entente avec la MRC. Même si la rencontre va avoir lieu ce soir au niveau de la MRC, on a demandé des subventions, comme je mentionnais plus tôt, des subventions parce qu'actuellement, on a besoin d'aide de la MRC, c'est des installations sportives, et on n'a pas encore atteint le 120 membres. Donc, la situation du golf est difficile, et c'est clair qu'on a besoin d'un coup de main, sans quoi, on a eu un beau projet. Notre fonds de réserve avec 120 membres, il risque de disparaître très rapidement. Mm. Alors, ça fait partie d'un lot qu'on a discuté avec quelques maires à Boissonnant. Et quelle a été la réponse? La réponse, c'est que d'adresser une demande, c'est ce qu'on a fait, puis il y a une décision qui va être rendue ce soir au niveau de la MRC. OK, donc on va surveiller ça de très très près également. La semaine prochaine, on va être en mesure d'en reparler. OK, si on y allait maintenant avec le Mega Weekend Golf, la date est déjà choisie, là. Les dates, c'est à compter du, c'est au mois de juillet, ouais. 20 au 22. En rafale, là, l'Omnium va s'appeler encore l'Omnium Saint-Prime pour la dernière année. L'Omnium Saint-Prime, c'est tous les joueurs de la région. C'est un tournoi à 100$. Okay. Où est-ce que les gens viennent compétitionner. C'est vraiment une grosse compétition. L'année passée, on a eu plus de 100 joueurs. Et cette année, la particularité, on va avoir sur chaque par trois, il va avoir des bourses pour un trou d'un coup. OK. Alors, on regarde pour trois trous, où est-ce que c'est 5 000$ si tu fais un trou d'un coup, et un autre, c'est 10 000$. OK. Alors ça, c'est une nouveauté, c'est très attractif, c'est rare qu'on voit ça. Le vendredi, en soirée, c'est le concours de Long Drive. Des gros cogneurs de la région et de l'extérieur, parce qu'on a des gens de Montréal, Québec qui sont déjà inscrits. On est sous les projecteurs, c'est majeur. Donc, c'est un gros événement. Mais la surprise cette année, on a apporté une modification. L'an dernier, c'était le Skins Game avec Jordan Fortin-Simard, Pierre Bédard et d'autres. Cette année, on a apporté une variante. On va le faire aux 2 ans, mais on a le concours du concours mondial de Master of Putting. Ça veut dire, j'explique en grosso modo, chaque joueur, que tu saches que tu as des talents ou non, c'est plus important, sur le verre de pratique, on va aménager un 9 trous, des coups roulés de 10 pieds, de 12 pieds, de 15 pieds. On va mettre des gradins autour, de la musique, les gens, ça lui coûte 20$ pour faire un 9 trous. À la fin de cette soirée-là, il y a un gagnant, et le gagnant s'en va directement à Las Vegas pour le championnat mondial. Hey, c'est-tu fantastique, en tout cas, c'est... Ah, c'est majeur, et ceux qui ont terminé deuxième ou troisième vont avoir une qualification, vont pouvoir retourner à la qualification de Montréal pour également aller à Las Vegas. Alors, c'est majeur, toutes les dépenses sont payées, on a signé des contrats, et la personne qui veut participer deux fois, trois fois ou quatre fois, c'est à sa guise, mais une chose est sûre, un gagnant, Las Vegas. Ouais, alors, c'est une belle nouveauté, on est très fiers de ça, c'est clair. Oui, c'est vraiment une belle initiative. Donc, comment tu t'attends de voir, à peu près? Hein? Ben, pour le concours de potting, ouais. Je peux pas te dire, c'est tout à fait nouveau. On commence à faire des promos là, plus sur Facebook. On affiche dans les clubs régionaux. C'est clair qu'on va partir en promo par rapport à ça. Mais je peux pas te dire, mais on parle à plusieurs amis golfeurs de la région. Et ce qu'on nous raconte, c'est que oui, on va venir au club de golf et on va participer. Bah, c'est super. Moi, j'attends un minimum ça, une centaine de participations. Ah, c'est bon, c'est très très bon. Et le samedi, c'est le tournoi des équipes. C'est comme l'an dernier. Tu as une équipe de volleyball, t'es quatre amis, tu t'inscris, tu viens jouer. C'est un tournoi qui est récréatif. On joue en quart, on s'amuse, il y a de l'animation sur le terrain. Une équipe de hockey, une équipe de dart, une équipe de sportifs de curling. L'année passée, on a eu tout sport confondu. On a même eu des équipes de pétanque. C'est un rassemblement de sportifs. On vient s'amuser, il n'y a pas de compétition. On mange une belle fondue en soirée. On s'amuse. C'est vraiment là. L'année passée, on a eu 180 joueurs. Cette année, on s'attend à en avoir un petit peu plus de 200. Ah, c'est bon. Les inscriptions, ça rentre. Je pense qu'il y a déjà, à ce moment-ci, qu'on est à un peu plus d'un mois de l'événement. On est à pratiquement 150 inscriptions à ce moment-ci. C'est fort. Hey, Golf Mag, redescends-tu, Daniel Melançon, on va adorer son expérience. C'est une belle visibilité, ça, pour le club. Est-ce que vous avez eu la confirmation que Daniel Melançon revenait? On discute avec Daniel, pas nécessairement au niveau de Golf Mag, parce qu'on l'année passée, on l'a fait. Okay. On faisait ce que ça possiblement dans deux ans. Okay. On a pratiquement terminé nos travaux de reconfiguration. Il y a des constructions qui sont en... Il y a des habitations qui sont en construction, pardon. Et avant de... Parce que c'est des images de drone, c'est très spectaculaire, on veut attendre que ce projet-là chemine davantage. Mais pour M. Melançon, qui est un ambassadeur incroyable pour le golf au Québec, on est en discussion avec lui pour le faire participer à nos activités. Mais et c'est un gars, je pense, qui est natif du haut de Normandin ou encore de la région. Il y a un lien, en tout cas, avec la région. Là. Je ne sais pas. Ouais. Je peux te dire que son passage l'an dernier était fort remarqué. C'est une personne qui est extrêmement chaleureuse, sympathique. Il a pris le temps de prendre des photos avec plein de gens. Il a quitté tard en soirée. Là, il attendait qu'il donnait la main à tout le monde. Vraiment, c'est un gentilhomme. C'est un beau bonhomme. Là. C'est pas, je suis pas du tout homosexuel, là, mais c'est quand même pour l'agence féminine, là, c'est quand même polant. Ben, sa présence était très remarquée, comme tu mentionnes. Et nous, du côté des hommes, on aimerait bien, vous l'avez entendu, qu'il amène sa conjointe, Anouk Meunier. Alors, ça pourrait faire plaisir à tout le monde. Anouk Meunier, je pense qu'elle est jolie aussi. Très, très jolie, oui. OK. Donc, ce serait très intéressant. Parle-moi maintenant de... Il y avait une compétition en fin de semaine qui était à Ville-Saint-Denis. Il y a deux joueuses qui étaient en action là-bas. Bien, on avait quatre en fait. Ouais, OK. C'est passé au club de golf Port Alfred, un tournoi féminin. Ouais. Dans la classe 2A, c'est Nathalie et France Kertnes qui ont gagné la compétition. Dans la classe B, c'est Mme Francine Tremblay et Rita Gauthier qui ont gagné dans le B. Mmh. On a une participante du club qui est Mme Turgeon, Claire Turgeon, qui a terminé deuxième dans le 2B. Ah, okay. Alors, on était très bien représentés, puis on est très fiers, on l'a exprimé sur Facebook. Ben effectivement, c'était Golf qui revient, je pense. C'était Golf, bientôt. On va débuter dans le coin de la mi-juin. Okay. Ça se passe environ un vendredi sur deux. Et c'est très populaire. Tout comme le tournoi d'ouverture qu'on a eu samedi dernier. On a eu 150 soupers, 120 participants. On avait beaucoup de jeunes. C'était exceptionnel. C'était remarqué. La journée était idéale. La température était extraordinaire. Alors, la saison est bien débutée. On attend nos amis journaliers. Ça devrait débuter bientôt, dès la fin des arbres. OK. Donc, Gilles, on s'en parle la semaine prochaine? Oui, sans faute. C'est la chronique du club de golf de Saint-Prime avec Gilles Larouche.